town, baby. Fresh off the stage, bad lil' mama, fresh off the page. Front like you love, but you know that you hate it. Yeah, you know no better. Yeah, you know no better. Yeah, you know no better. Ooh. Yeah, you know no better. Say you're different, who you kidding? Yeah, you know no better. Ooh, say that talk for the ones who don't know no better. Cause baby, I know you cause better. Baby, I know no better. Baby, I know you baby, better. Baby, I know. Baby, I know you better. I've dropped off on my whip. Whipping that, whipping that, whipping that. Yellow and the purple on mix. Mixing that, mixing that, mixing that. Got my bitch from the tropics. Yeah, you know where she sitting at. Taking shots, one bottle at the bottle, at the bottle. Hell no, we ain't sipping that. Wild ones, like we fresh out the cage. Showtime, baby, fresh off the stage. Bad little mama, fresh off the page. Front like you love, but you know that you hate it. Yeah, you know no better. Yeah, you know no better. Yeah, you know no better. Ooh. Yeah, you know no better. Say you're different. Ooh, you're kidding. Yeah, you know no better. Ooh, say that talk for the ones who don't know no better. Cause baby, I know you cause better. Cause baby, I know no better. Baby, I know you baby, better. Baby, I know. Baby, I know you better. On the chips, damn. Ice cream gave her chills. Ice cream. Too much cash, pay the bills. I make a ride Mercedes. I can afford the latest. Baby, ignore the Raiders. Just pull up, we pop out, we raging. You know no better. No. Stack my bread up. Stack. Don't get fed up. No. Ain't gon' let up. Yeah. You told me to shut up. Shut up. But I'ma do better. Huh. It's not my race. Woo. Get out my face. Get out. Drop my case. Drop it. Which way? Yeah. Yeah, you know no better. Say you're different, ooh, you're kidding. Yeah, you know no better. Ooh, say that talk for the ones who don't know no better. Cause baby, I know you better. Baby, I know you better. Baby, I know you better. Ça se passe chez vous. Et soyez les bienvenus sur The Radio Seineur, c'est Antoine qui vous accompagne. Il est 10h passé de 2 minutes et on est en direct comme tous les jours pour votre nouvelle émission Ça se passe chez vous. En face de moi il y a Joëlicia, comment ça va Joëlicia? Ça va bien et toi Antoine? Et bah ça va super comme d'habitude. On se retrouvera à 10h45 pour une nouvelle chronique météo, la météo de la journée. Kendra, à côté de Joëlicia, comment ça va Kendra? Ça va bien et toi? Bah ça va super, on entend mal les micros un peu je trouve. Je vais monter un petit peu tout ça, ouais ça va être meilleur. Voilà, donc Kendra qu'on retrouvera à 11h30 pour Info Actu, ouais, c'est ça. Et 10h30 pour la chronique pour l'emploi, c'est ça? Ouais c'est ça, l'emploi en CNR. Enfin les ceux qui recherchent des personnes pour travailler dans l'agglomération CNR, voilà. On retrouvera également Virginie dans un quart d'heure pour son horoscope. À 10h30 l'emploi, 10h45 la météo de Joëlicia, 11h la chronique de Tati Karine qui arrive au studio pour vous présenter la recette du jour dans le 10 qu'est-ce qu'on mange, 11h15 Michel de la Rédac qui arrive, 11h30 ce sera l'heure de Kendra qui nous parlera d'actu, 11h45 on parlera de foot toujours avec Kendra et puis on se quittera d'ici midi pour vous souhaiter un bon appétit. On se retrouvera demain pour la dernière de la semaine. Je vous propose sans plus attendre de passer aux éphémérides. Ça se passe chez vous? Du lundi au vendredi, 10h midi sur The Radio Seineur. Et jeudi 21 juin, c'est le premier jour de l'été notamment, et on fête également la musique, mais c'est également la fête des Rodolphe, des Aloïs, des Gina, des Gino, des Gonzac et des Loïs, des Louis de Gonzac, des Ralph, des Raoul et des Rudy. Donc bonne fête à tous ceux que je viens de citer. Pour les Louis de Gonzac, je pense que ça passe aussi pour les Louis tout court, donc voilà. On fête également l'anniversaire, l'anniversaire de Amel Bent, la chanteuse fête ses 33 ans, Lana Del Rey 33 ans également. Edward Snowden, c'est 35 ans. William de Cambridge, le prince William, fête ses 36 ans. Jean-Pascal Lacoste, 40 ans. Il y a François Baroin qui fête ses 53 ans. Et Manu Chao, 57 ans. C'est tout pour les anniversaires. Si Michel Palatini qui fête ses 63 ans. C'est tout pour les informations éphémérides. On passe sans plus attendre à la musique avec le son de Kygo, Ellie Goulding sur Zora du Seigneur. Soyez les bienvenus. À 10h05, c'est l'heure de retrouver First Time sur Zora du Seigneur pour le son. Soyez les bienvenus en Seigneur. We were lovers for the first time, running on the red lights. The middle finger was a peace sign, yeah. We were sipping on emotions, smoking and inhaling every moment. It was reckless and we owned it, yeah, yeah. We were high and we were sober. We were on and we were over. We were young and now I'm older. But I'd do it all again. Getting drunk on the train track, way back when we tried our first cigarettes. Oh, $10 was a fat stack. I'd do it all again. My jacket and a snapback. Your dad's black Honda was a Maybach. Oh, we stacks on the playback. I do it all again. On a wild ride, speeding for the finish line, coming to the end of our time, yeah. Started off as a wildfire, burning down the bridges to our empire. Our love was something they could admire, yeah, yeah. We were high and we were sober. We were on and we were over. We were young and now I'm older. But I do train track, way back when we tried our first cigarettes. Oh, $10 was a fat stack. I'd do it all again. Oh, bought my jacket and a snapback. Your dad's black Honda was a Maybach. Oh, we stacks on the playback. I'd do it all again. Side of America, where we choose pride over character, and we can pick sides, but this is us, this is us, this is. I live on the west side of America, where they spin lies into fairy dust, and we can pick sides, but this is us, this is us, this is. And don't believe the narcissism when everyone projects and expects you to listen to them. Make no mistake, I live in a prison that I built myself, it is my religion. And they say that I am the sick boy. Easy to say when you don't take the risk, boy. Welcome to the narcissism. We're united under our indifference. And I'm from the east side of America. We are sensitized by hysteria. And we can pick sides, but this is us. This is us, this is. I live on the west side of America. Where they spin lies into fairy dust. Then we can pick sides. But this is us, this is us,

pas venus, si je les emmêle, si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes, singes, les sages, et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Hey. Les gens qu'au fond jamais jamais l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de mille bois, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins et serré 10 000 mains. On peut aimer Brel et Meugui, aimer même nos ennemis. Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour, alors je zigzague. Toujours avec ces lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque. Hey, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Si je vous gêne, bah c'est la même. Si je vous gêne, bah c'est la même. Après le son de Maître Gims et Vianney sur The Radio Seigneur, la même en direct. Ça se passe chez vous? Et c'est l'heure de retrouver Virginie à 10h18. Soyez les bienvenus sur The Radio Seigneur. Bonjour Virginie. Bélier, vous tracez la route de votre ambition avec courage. Taureau, vous débordez d'énergie que vous mettez au service de vos futurs projets. Gémeaux, recontactez d'anciennes connaissances. Vous avez besoin d'être épaulé et que l'on vous donne un coup de pouce. Cancer, faites des exercices de relaxation pour détendre vos tensions musculaires. Lion, vous aspirez au dépaysement, à élargir vos frontières mentales et physiques, à vous évader de votre quotidien. Vierge, quittez votre tour d'ivoire pour arpenter les chemins de la carte du tendre, vous ne le regretterez pas. Balance, si vous avez des choses à formuler, c'est le moment de dire ce que vous avez sur le cœur afin de clarifier la situation. Scorpion, vous avez du pain sur la planche aujourd'hui. Soit vous êtes en retard dans votre travail, soit vous faites face à un regain d'activité inattendu. Sagittaire, avis aux célibataires. Endossez votre habit de lumière pour conquérir l'élu de votre cœur. Capricorne, prenez du recul et ne mettez pas d'huile sur le feu en cas de conflit, c'est plus raisonnable. Verseau, vous multipliez les contacts aujourd'hui. Vous rencontrez de nouvelles têtes qui vous permettront d'élargir votre cercle relationnel. Poisson, si votre balance penche du mauvais côté, commencez un régime et buvez plus d'eau. Merci Virginie, on te retrouve demain 10h15 à peu près. C'est l'heure de continuer en musique avec le son de XXXTentacion, Pain Best Friend sur The Radio Seigneur, soyez les bienvenus. On est en direct jusqu'à midi et on va essayer de passer en mode Facebook Live dans un instant. Bienvenue. Lost in me, good eye. Feel so deeply, I can't seem to find the means you've gone. Lost in me. juste après le son de XXXTentacion sur The Radio Center, soyez les bienvenus. On continue en musique avec le son de Bassada, Music Sounds Better With You, sur The Radio Center, bienvenue. Keep us apart. keep us apart. Juste après le son de Feder qui passe par sur Radio Senior. On continue en musique avec le son de Dula Michael. Issues, c'est ce qui arrive. 10h27 et dans un instant on retrouve Kandra et sa chronique emploi bientôt. I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. I get angry. Baby, believe me. I can love you just like that. And I can leave you just as fast. But you don't judge me. Cause if you did, baby, I'd judge you too. No, you don't judge me. Cause if you did, baby, I'd judge you too. Cause I got issues, but you got them too. So give them all to me and I'll give mine to you. Bask in the glory of all the problems. Cause we got the kind of love it takes to suffer. Yeah, I got issues. And one of them is how bad I need you. Do shit on purpose. You get mad and you break things. Feel bad, try to fix things. But you're perfect. Poorly wired circuit. And got hands like an ocean. Push you out, pull you back in. Cause you don't judge me. Cause if you did, baby, I would judge you too. No, you don't judge me. Cause you see it from the same. Après le son de Julia Michaels sur The Radio Center. Et juste avant, on écoutait Feder avec son nouveau son Keep Us Apart. Soyez les bienvenus. Ça se passe chez vous? Avec vous jusqu'à midi. Et la chronique emploi du 21 juin, c'est avec Kandra. Bonjour Kandra. Salut Antoine. Et oui, aujourd'hui dans la chronique emploi, on a Louvier qui recherche un éducateur sportif dans le cadre de ses activités des accueils de loisirs de la ville, qui recherche un éducateur pour organiser et coordonner la mise en place des activités sportives en fonction de vos compétences en éducation physique et sportive. Vous aurez pour mission l'animation des activités périscolaires et extrascolaires, créer et accompagner un projet d'animation en encadrant des activités qui visent à développer et maintenir une bonne santé. Vous devrez aussi conduire des actions de découverte et de sensibilisation aux activités physiques à caractère ludique, jeux collectifs, jeux d'opposition, jeux d'adresse et des activités physiques en espace naturel. C'est un contrat de durée de 12 mois, un contrat avec 35 heures par semaine, rémunéré au salaire d'un animateur deuxième classe. Le profil souhaité est une personne ayant un bac ou un équivalent, ou comme un BPGEPS ou un DEGEPS. Le permis B est également souhaité. Du côté du Vaudreuil, on cherche un ambulancier. Si vous avez le permis B depuis plus de 3 ans et que vous êtes motivé pour devenir ambulancier ou ambulancière, et que vous êtes disposé à suivre en alternance un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation afin d'obtenir votre diplôme d'état d'ambulancier, contactez l'agence d'ambulance du Vaudreuil. Il vous propose un contrat durée indéterminée. Le salaire reste encore aussi à déterminer. Les députants sont acceptés. Vous devrez facturer votre mission au sein de cette entreprise et de facturer les prestations que vous faites, installer le patient dans le véhicule sanitaire selon la préconisation médicale et lui apporter une assistance, réaliser des démarches médico-administratives, vérifier le fonctionnement des équipements du véhicule, repérer les dysfonctionnements et informer le responsable mécanicien. Voilà, on enchaîne avec un mécanicien et un monteur en mécanique qui est recherché du côté de Deauville pour un contrat de type intérim à temps plein, qui pourra débuter idéalement le 21 juin, donc aujourd'hui, pour une durée de 2 mois dans le secteur de l'industrie automobile. Vous réaliserez le montage et le démontage de pièces mécaniques pour la transformation de véhicules selon les consignes de fabrication. Vous installerez et assemblerez différentes pièces mécaniques, rampes automatiques, planchers, faisceaux lumineux et bien d'autres. Vous devez posséder obligatoirement le permis B pour le déplacement de véhicules sur le site et dans les ateliers de transformation. Le profil souhaité est une personne qui est titulaire d'un bac pro en mécanique, qui est sérieux et rigoureux et avec le permis B obligatoire. Vous ferez ponctuellement des déplacements et il est conseillé d'avoir une expérience requise d'un an à 2 ans. Enfin, un comptable confirmé est recherché pour travailler à temps plein. Comptable confirmé qui possède un master avec une expérience en cabinet comptable. Vous aurez pour mission la gestion d'un portefeuille client en tenue et révision, mais aussi l'établissement de bilan, des liasses fiscales et des déclarations fiscales. C'est un contrat à durée indéterminée dans le secteur de l'industrie environnementale. Il serait souhaité que vous ayez une expérience entre 2 et 5 ans avec un niveau d'études au minimum d'un agent de maîtrise et d'un bac plus 3. C'est tout pour les offres d'emploi que j'ai à vous proposer aujourd'hui. Vous pouvez tous les retrouver sur le site de l'emploi Senior. Merci Kendra, à plus tard. A plus. Et n'hésitez pas à réagir sur l'émission avec le Facebook The Radio Senior, le Twitter @AntoineRadio et sur Snapchat The Radio Senior, The Radio 27. Alors envoyez-nous plein de messages, plein de snaps, tout ce que vous voulez. On continue en musique avant de retrouver Joël Littier et sa météo dans un quart d'heure. Soyez les bienvenus sur The Radio Senior, Foster the People, Sit Next to Me, c'est ce qui arrive. Juste après, il y aura le son de Sophie Tucker et Ina La Roulette dans un instant. Juste avant de retrouver Joël Littier et sa météo à 10h34. Foster the People, c'est ce qu'on écoute. Soyez les bienvenus, n'hésitez pas à venir sur les réseaux @AntoineRadio sur Facebook, sur Twitter pour commenter l'émission. Soyez les bienvenus. that I'll keep loving you way past 65. We made a language for us two, we don't need to describe. Every time you call on me, I drop what I do. You are my best friend and we've got some shit to shoot. Yeah. Yo, you wanna meet me in the lounge? Yeah. Yo, you wanna meet me in the club? Yeah. Yo, you wanna meet me downtown? Okay. Yo, you wanna meet me in the east? Yeah. Yo, you wanna meet me in the west? Yeah. Yo, you wanna meet me on the block? Yeah. Yo, you wanna meet me at the spot? Okay. Think that I'll keep loving you way past 65. We made a language for us two, we don't need to describe. Every time you call on me, I drop what I do. You are my best friend and we've got some shit to shoot. That's the way it is, that's the way it goes. It's just us two, it's deja vu, it's what we know. That's the way we like it, don't complicate. No need to fight it, just invite it. Yeah, yeah. Thank you. touchera, rien ne nous atteindra. Je serai un vrai casanova. Approche un peu, viens dans mes bras. Maintenant je te garde, garde. Rien ne touchera, nous atteindra. Non. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Dans tes bras, avec moi, je te mourrai à tout jamais. Oh, oh, oh. Con tu movimiento, bless, bless, bless. Otra bless, bless, bless, bless. Juste après le son de Ina la roulette et juste avant c'était le son de Sophie Tucker, le duo qu'on adore, The Knox et Nervo, avec leur son qu'on avait adoré, Best Friends. Soyez les bienvenus sur The Radio du Seigneur. Ça se passe chez vous ? Retrouvez votre émission en replay sur scène-heure.theradio.net. Et à 10h44 on retrouve Joëlicia et sa météo. Et la météo en ce 21 juin c'est avec Joëlicia. Bonjour Joëlicia. Bonjour Antoine, bienvenue dans votre chronique météo en ce jeudi 21 juin. Aujourd'hui, dans la commune de Pose, on aura un ciel très nuageux avec une température de 16 degrés accompagnée de rafales de vent de 40 km/h. Dans l'après-midi, on aura un temps ensoleillé avec une température de 19 degrés. Et le soir, il fera toujours beau avec une température de 17 degrés. Et dans la nuit, on aura un ciel dégagé avec une température de 14 degrés. Par ailleurs, tout au long de la journée, on aura un ciel variable de plus en plus ensoleillé avec des températures plus douces, mais aucune précipitation n'est prévue. Et les rafales de vent atteindront les 40 km/h. Demain, le soleil se lèvera à 5h50 et se couchera à 22h03. Je vous retrouve demain pour de nouvelles prévisions. Merci Joëlicia. Demain, les nouvelles prévisions météo. Alors, à bientôt. Et puis, on va continuer en musique avec le son de Odyssey Fly qui arrive, Sean Paul et Showtech dans le quart d'heure, juste avant de retrouver Tati Karine avec le dit qu'est-ce qu'on mange. Soyez les bienvenus sur The Radio Seigneur, ça se passe chez vous. Comme tous les jours, du lundi au vendredi. C'est bientôt le week-end, allez, jeudi. Et demain, c'est le dernier jour de la semaine. Odyssey Fly. Baby, I love when you fly with me, cause you're the only one that sets me free. Just wanna let you know that you're the only one I see. So why are we waiting? My heart is inflating. I wanna feel your jealousy. So why are we waiting? The sunrise is coming. I love it when you fly with me. Oh, come and fly with me. Fly with me. Oh baby, can't you see how much this means to me? Through the night, through the sky, make me smile, make me cry. Let's leave this gravity, just come and fly with me. body jingle up your sing sing. Some of that do, but we know your booty pop when the beat drop. For me, my baby, where your teeth is a rap. Love the energy when your fingers don't rock. Queen, girl, you're preparing, you ever look hot. Every queen, girl, you know, so you never yet flop. I know I see, but me want for your talk. Me eye the punchy, precise and exact. Good Lord, girl, you're going so hard. Girl, you like some best when I'm spreading it to a part. Après le son de Sean Paul, Mad Love sur Radio Salinor, soyez les bienvenus, on continue en musique avec le son de Showtech. Showtech, Natural Blues sur Radio Salinor à 10h52, c'est ce qu'on s'écoute juste avant de retrouver Tati Kirin. Dis qu'est-ce qu'on mange dans un instant. Juste après, il y aura Michel Jolareda qui arrive en studio et puis à 11h30 sera Kandra pour ses infos actualités. Bienvenue. Girl,

1 cuillère à soupe de sucre vanillé, 200 g de crème fraîche liquide, 200 g de farine, une pincée de sel, un paquet de levure chimique, 2 cuillères à soupe de cacao amer pour la ganache, 150 g de chocolat noir, 50 g de crème fraîche liquide, 1 cuillère à soupe de rhum. Pour le glaçage, 40 g de chocolat blanc, 2 cuillères à soupe d'eau. Et pour décorer, des vermicelles. Préparation. Réalisation des biscuits. Préchauffez le four à 180 degrés. Mélangez les œufs, le sucre et le sucre vanillé au fouet. Ajoutez la crème, la farine, le sel, la levure et bien fouettez. Déposez le papier sulfurisé au fond de votre plaque à pâtisserie et faire une séparation au milieu pour que les deux pâtes ne se mélangent pas. Versez la moitié de la pâte d'un côté. Ajoutez les 2 cuillères à soupe de cacao à la pâte restante et bien mélangez de nouveau. Versez la pâte chocolatée de l'autre côté de la plaque à pâtisserie. Enfournez environ 15 minutes à 180 degrés. Sortir vos deux pâtes dès la fin de la cuisson et les laisser refroidir sur un torchon propre. Réalisation de la ganache au chocolat et le montage. Cassez en morceaux le chocolat et le faire fondre avec la crème et le rhum. Faire chauffer 4 minutes. Laissez refroidir. Coupez chaque génoise en deux dans le sens de la longueur. Vous obtiendrez ainsi 2 génoises goût vanille et 2 génoises chocolatées. Nappez chaque tranche du gâteau et les empilez les unes sur les autres. Ne nappez pas la dernière, elle le sera avec le glaçage final. Réalisation du glaçage. Cassez le chocolat en morceaux et le faire chauffer avec l'eau. Bien mélanger. Nappez le dessus de votre napolitain rapidement car le chocolat sèche vite et saupoudré de vermicelle. Lorsqu'il est bien froid, vous pouvez recouper les deux côtés avec un grand couteau afin que votre gâteau soit très présentable. Une petite astuce, ne jetez pas les chutes. Elles feront sûrement le bonheur d'un gourmand. Retrouvez les recettes sur le www.passion-cuisine.net et le Facebook dit Qu'est-ce qu'on mange ? Les chroniques sont disponibles en podcast sur le www.theradio.net. Bon appétit, chers audionautes, et à demain. Merci Tati Karine pour cette recette du jour. On se régale tous les jours grâce à ta recette du jour. Et puis je vous propose de continuer en musique avec le nouveau Adal. On l'a découvert ensemble hier, c'était vers aux alentours de 11h sur The Heart Dessiner. Adal, Lies, une exclusivité sur The Heart Dessiner. I saw your smile from across the room. I could be wrong but you know it's true. And I'll stop if you want me to. But if you like it, if you like it, lay these cards out across the floor. You draw me in, leave me wanting more. I'll play your game if you keep the score. But if you like it, if you like it, I don't wanna be hasty, babe. I feel like you've been tied to me. I'm trying to be on my best behavior, but I know that we've got to leave. We could turn the lights down for the night, cover up the stars to hide this light. Only for the night, just one more time. We could turn the lights down, baby, the lights down. We could turn the lights down for the night, cover up the stars. Only for the night, just one more time. We could turn the lights down, baby, the lights down. I gotta say that you're doing fine. You've been tied to me. I'm trying to be on my best behavior. down. We could turn the lights down for the night. Cover up the stars to hide this light. Only for the night, just one more time. We could turn the lights down, baby, the lights down. Après le son de Clean Bandit et Demi Lovato solo sur The Radio Sonore, ce qui vient de se passer à 10h10, on continue en musique avec le son de Body Mind. Juste après, il y aura le son de Charlie Puss, Done For Me, juste avant de retrouver Michel de la Redac. Il arrive, le Michel. On doit arriver, programme télé dans un instant. Et juste après, ce sera Kondra et son actualité information sur The Radio Sonore. Bienvenue. Girl, I lose myself up in those eyes. I just had to let you know you're. Hands on your body, I don't wanna waste